Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous en sommes arrivés au troisième message de la série. Je vous parlerai de la sécurité conditionnelle du salut. Au départ, sachez ceci, toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont conditionnelles. Vous n'en trouverez pas une seule qui ne le soit pas. Et la promesse du salut n'échappe pas à cette règle, comme on va le voir. Regardons quelques promesses de l'Ancien Testament, par exemple. Deutéronome 15, 4 et 5. « Toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu en mettant soigneusement en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui. » Le mot « pourvu » implique une condition, qui est de mettre en pratique soigneusement les commandements de Dieu. Deutéronome 19, 8, 9. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies. 1 Rois 8, 25. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence. » Le mot « pourvu » indique une condition toujours à la promesse. 2 Rois 21:8 « Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé. » Psaume 85:9 « J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. » Voici maintenant tous les « si » du salut. C'est-à-dire partout où l'Écriture met la petite conjonction « si » dans le texte. Parce que le salut n'est pas inconditionnel, il est conditionnel aussi. Selon le multidictionnaire, la conjonction « si » veut dire « à condition que ». Dans tous les versets que nous allons voir, se trouve le mot « si » ou le mot « pourvu » et exprime une condition à la conservation du salut. L'Écriture exhorte le croyant à conserver leur salut. On commence par Jean 8, 30, 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Voyez-vous la condition? La foi seule ne suffit pas. Jean 8, 51, 52. « en vérité, je vous le dis, « si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. » Voyez-vous la condition? Si. Et ce n'est pas d'hier que les gens séduits par la fausse doctrine ne voient rien, ne voient en vous qu'un ennemi, un faux prophète ou même un démon si vous les contredisez. Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et me ferai connaître à lui. Voyez la condition du début, celui qui a mes commandements et qui les garde sera aimé. Jean 15, 4, 6. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. L'inverse est aussi vrai, hein? Demeurez dans le monde et le monde demeurera en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Encore un verset plein de conditions. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Romains 8, 13. Si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.

Voyez-vous la condition? 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Voyez-vous la condition? 1 Jean 2,3 « Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. » Voyez-vous la condition? 1 Jean 2,24 « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. » Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Voyez-vous la condition? Révélation 16:15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voyez-vous la condition encore? La séduction, là, c'est l'habileté du diable qui en arrive à aveugler une personne au point où, arrivée au centre même de l'erreur, elle ne la voit plus. Elle ne la voit tellement pas que vous allez, Bible en main, lui montrer 10 ou 12 ou 15 versets qui lui montrent son erreur et elle ne voudra toujours pas le croire. Ézéchiel 16:8 « Je te jurai fidélité. » « Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Dieu a juré fidélité à son peuple, mais il faut comprendre qu'il ne va pas le retenir attaché à lui contre sa volonté non plus. Dieu nous garde en sécurité, mais ne nous garde pas prisonniers. La même Bible qui dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » dit aussi « Plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Voyez-vous la liberté? Supposons qu'un oiseau blessé là, a peur d'un chat qui vient pour le dévorer et que moi j'arrive et je prends cet oiseau dans mes mains. Je l'ai sauvé de la mort. Et tant qu'il est entre mes mains, il est en parfaite sécurité. Aussi longtemps que cet oiseau reste dans mes mains, il reste sous ma protection. Mais si l'oiseau décide qu'il veut partir et que je le sens se débattre dans mes mains pour me signifier qu'il veut s'envoler, qu'est-ce que je fais? Je respecte sa liberté et je le laisse s'envoler. L'oiseau blessé retombe par terre et le chat le dévore. La sécurité de son salut était pourtant assurée quand il était entre mes mains. Ce n'est pas moi qui lui ai retiré son salut ou sa sécurité. C'est lui qui s'est retiré de son salut. Jésus a dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Voyez-vous la condition? Un enfant est en parfaite sécurité dans la maison de son père, mais s'il décide de sortir et d'aller jouer dans la rue, il n'est plus en sécurité, comprenez-vous? Il n'y a pas de contradiction entre la sécurité du salut et la perte du salut. Le père Jean-Nicolas Grou a écrit « Dieu n'abandonne jamais qu'il n'ait été abandonné le premier. » Ainsi, tant que j'ai la raison et la liberté, il n'est pas un seul moment de ma vie où il ne dépende de moi de persévérer dans l'amitié de Dieu. Bossuet a écrit « Jésus est fidèle, il ne nous quitte jamais le premier. Il vient bien à nous le premier, mais il n'est jamais le premier qui quitte. C'est nous qui le quittons. » Beaucoup de ceux qui enseignent que le salut ne s'opère pas n'ont pas des vies très très en règle avec le Seigneur. Et cela les arrange de croire en cette doctrine. Un cœur courbé enseigne des doctrines faites de versets courbés, et un cœur faux enseigne des doctrines fausses. Maintenant, voici les passages où nous voyons que le salut est conditionnel à la sainteté ou à la sanctification. Le salut est conditionnel à la purification des péchés quotidiens. Si nous marchons volontairement dans les ténèbres du péché, le sang de Jésus-Christ ne nous purifie certainement plus. Il est écrit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors nous voyons que la condition d'être en communion avec Christ, c'est de marcher dans la lumière. Galates 5, 19-21 « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors le salut est à condition de sainteté. OK, je veux faire une parenthèse ici, parce que en lisant ce verset, quelques-uns vont peut-être dire « Oui, mais qui ne tombe jamais dans l'un de ses péchés? Est-ce que ça veut dire que je perds mon salut? » Pas nécessairement. Quand Paul écrit « ceux qui commettent de telles choses », le mot grec traduit par le verbe « commettre » est « prasso », qui a le sens de « pratiquer ». Il se dit d'une chose que l'on accomplit fréquemment et habituellement. Voilà ce que le dictionnaire grec nous dit. Celui qui pratique les péchés du monde subira le même sort que le monde. Et celui qui aime ce que Dieu déteste n'est pas de ses enfants. Le chrétien qui aime le péché sera jugé du même jugement que le pécheur qui aime le péché. Dieu ne possède qu'une seule mesure et ne possède qu'une seule balance. Ils iront tous deux dans le même lieu. Bossuet a écrit « Celui qui, sous prétexte qu'il serait sauvé pour toujours, se vautrerait dans le péché, est un pourceau qui n'a rien compris à l'Évangile. » Souvenons-nous que l'une des conditions de notre salut était la repentance, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes, nous dit Hébreux 6:1. Le croyant qui, au cours des années, revient en arrière, accepte de nouveau ses anciens péchés et va jusqu'à justifier leur présence dans sa vie, a repris sa parole et trahi son premier engagement avec le Seigneur. Il ne remplit plus les termes de l'alliance qu'il avait contractée avec Dieu. S'il ne revient pas de sa folie, il perdra le privilège de la justification. Nous avons été justifiés à condition de nous sanctifier, mais si en cours de route, nous revenons en arrière et cessons de remplir cette condition, la justification ne peut plus continuer à nous être imputée. Hébreux 3:6 et 3:14. Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Regardez bien ce qui suit. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » C'est-à-dire qu'il n'ait le même cœur que ces gens-là dans le désert qui se sont révoltés. Comme ces gens ne sont pas entrés dans le repos de Dieu, eh bien, les frères qui ont le même cœur incrédule et mauvais, eh bien, n'entreront pas dans le royaume de Dieu non plus. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. L'idée ici est très claire. Tout comme Dieu a refusé l'entrée de la terre promise aux Israélites, aux cœurs durs et endurcis dans leur péché, Dieu refusera l'entrée du ciel aux chrétiens aux cœurs durs et endurcis dans leur péché. Nous voyons qu'avoir été participants de Christ dans le passé est une garantie de rien. Le salut est donc conditionnel à la persévérance dans la sainteté ou de sa poursuite. Il ne faut pas séparer le salut de la sanctification, car celle-ci est la voie même qui mène au salut final. Et Paul ne parle pas des pécheurs qui sont dans le monde, mais des pécheurs qui sont dans l'Église. Toutes les épîtres du Nouveau Testament s'adressent à des chrétiens, non à des païens. Par exemple, 1 Corinthiens 6, 9, 11. « Ne savez-vous pas que les injustes, de l'Église entre parenthèses, n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous abusez point, ni les impurs de l'Église, ni les idolâtres de l'Église, ni les adultères de l'Église, ni les efféminés de l'Église, ni les infâmes de l'Église, ni les larrons de l'Église, ni les avares de l'Église, ni les ivrognes de l'Église, ni les médisants de l'Église, ni les ravisseurs de l'Église n'hériteront le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que le salut est à condition de sainteté. Éphésiens 5:5-6. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare qui est un idolâtre n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La fin de ce verset n'est pas clairement traduite. Une autre traduction a rendu « sur les enfants rebelles », c'est-à-dire les enfants de Dieu rebelles dans l'Église. Le salut est à condition de sainteté. Je répète encore que toutes les lettres de Paul s'adressent à des chrétiens, non aux pécheurs du dehors. Ce qui est dit dans ce verset, il le dit à nous et pour nous, les chrétiens. Romains 8, 1 et 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors le salut est à condition de sainteté. Le passage démontre très clairement que toute personne autrefois en Jésus-Christ et qui maintenant marche selon la chair sera bel et bien condamnée. Seuls ceux qui marchent selon l'Esprit ne passent pas en jugement ni en condamnation. On ne peut pas prendre Romains 8:1, qui est une toute petite phrase, et ignorer tout le reste du chapitre ou le reste de la Bible. Il faut interpréter chaque verset à la lumière de toute l'Écriture. Hébreux 10:26-29. Car si nous, les chrétiens, péchons volontairement, une autre traduction a rendu, si nous l'abandonnons délibérément pour continuer à pécher, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Le salut est à condition de sainteté. Apocalypse 22:1. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Le salut est à condition de sainteté. Le père Gonelieu a écrit il y a un siècle « Pour honorer parfaitement Jésus-Christ et par l'honneur qu'on lui rend, remplir les devoirs d'un véritable chrétien, il faut s'appliquer à le connaître, à l'aimer et à l'imiter. Et cela est absolument nécessaire au salut de tous les chrétiens qui ne sont des chrétiens que par la connaissance. Prétendre plaire au Seigneur par les connaissances sublimes qu'on a de sa divinité, sans s'attacher à suivre ses exemples et à vivre comme il a vécu, c'est la plus dangereuse des vanités. » Fin de citation. Par son humilité, notre Seigneur nous a mérité la grâce de vaincre l'orgueil dans nos vies. Par sa pauvreté, il nous a donné la grâce et la force de mépriser les biens terrestres. Par sa patience, il nous a gagné la grâce et le courage de supporter les affronts et les injures. Saint Augustin écrit avec tristesse « Où en sommes-nous si les exemples du Fils de Dieu et tant de grâces qu'il nous a obtenues ne peuvent nous guérir de nos vices? » Jean-Nicolas Grou a écrit « Âme chrétienne, que votre cœur soit toujours fixé sur Jésus-Christ. Suivez-le depuis sa crèche jusqu'à la croix. » Fin de citation. Toute sa vie est remplie d'exemples à méditer et à imiter. Nous ne pouvons contempler Dieu qu'en la personne du Christ. Les moindres circonstances de sa vie, les moindres traits de son caractère sont dignes de notre plus grande attention et de notre plus stricte imitation. Dom Marmion a écrit « Rien n'est petit dans la vie de Jésus ». Alors quand vous lisez les évangiles, lisez-les lentement. Dans la pensée générale moderne, être sauvé veut dire avoir son billet direct pour le ciel, une sorte d'assurance salut qui nous garantit que nous sommes en règle avec Dieu et que nous le serons toujours, peu importe que nous vivions selon la parole ou que nous abandonnions d'y conformer notre vie. Il va de soi que ce n'est pas là le sens que donnent les Écritures. Être sauvé veut dire être libéré de l'esclavage des péchés. Selon qu'il est écrit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. En Romains chapitres 6, 7 et 8, Paul fait une étude détaillée de ce processus dans la vie du chrétien, de la libération du péché. Le salut est également conditionnel à l'amour fraternel. Saviez-vous ça? Matthieu 7, 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors le salut est conditionnel à l'entretien de l'amour fraternel. Matthieu 18, 23, 35. La parabole du serviteur impitoyable ne laisse aucun doute. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout ». Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi, je te paierai tout ». Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Qui est ce serviteur impitoyable qui a reçu une entière rémission de sa dette par le maître, sinon un chrétien qui a été pardonné et sauvé par grâce? Et que signifie que ce serviteur, devenu méchant, voit le maître lui reprendre la grâce qu'il lui avait donnée, le mettre à nouveau sous le poids de sa dette et le jeter en prison, sinon qu'il a perdu son pardon et son salut? Alors le salut est bel et bien à condition de l'amour fraternel. 1 Jean 4, 21 « Et nous, nous avons de lui ce commandement, hein, pas un conseil, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Le salut est conditionnel à l'amour fraternel. Bossuet a écrit « Qui renonce à la charité, renonce à la foi, abjure le christianisme, sort de l'école de Jésus-Christ, c'est-à-dire de son Église. Tremblez donc, cœur endurci, tremblez, insensible, tremblez, vous tous, dont les inimitiés sont irréconciliables. Vous n'êtes plus disciples de Jésus-Christ, vous n'êtes plus chrétiens. » Le salut est également conditionnel à notre obéissance. Lévitique 25, 18-19. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. L'entrée dans la terre promise est la figure de notre entrée dans le royaume de Dieu après notre mort. Un défenseur de l'évangile de la foi seule a dit que l'obéissance au Seigneur est un faux évangile parce que l'obéissance est une œuvre. Mais jusqu'où est-ce qu'on peut pousser l'absurdité, je vous le demande? Notre maître a dit, Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Le salut est conditionnel à notre obéissance. C'est clair. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas de l'obéissance, ça. Même si Paul a écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé », il ne faut pas conclure trop rapidement au salut, parce qu'on pourrait tout aussi bien dire « Ceux qui confessent de la bouche Jésus comme Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père ». Voyez-vous, en interprétation biblique, on ne peut pas prendre juste un petit bout de verset ou même juste les épîtres de Paul et oublier ce que dit notre Seigneur dans les Évangiles. C'est ce que Martin Luther a fait. Il a totalement occulté les Évangiles et s'est concentré sur les lettres de Paul pour conclure à sa doctrine du salut par la foi seule. Car si les paroles de Paul sont faciles à tordre, celles du Christ sont loin de l'être. 1 Pierre 4:17 Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le salut est donc conditionnel à notre obéissance. Je vous encourage à prendre en note tous ces versets-là et à les conserver, à les relire. Hébreux 5:9 Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Salut à condition d'obéissance. Jacques 2:8 à 10 Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Faire exception de personne, ça veut dire « Tiens, lui, je vais l'aimer, mais pas les autres. » Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Alors je pose la question, est-ce que celui qui transgresse tous les commandements sera sauvé? Écoutez la parole du Seigneur, Matthieu 19, 16-17. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Est-ce que ça vous paraît un salut par la foi seule, ça? » Non, encore une fois, le salut est conditionnel à notre obéissance. 1 Jean 2, 3 et 4 « Si nous gardons ses commandements, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Alors le salut est conditionnel à notre obéissance aux commandements du Seigneur. Jean 14, 21 « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Le salut conditionnel à l'obéissance. Qu'arrive-t-il alors à ceux qui ne gardent pas ses commandements? Eh bien, selon ce verset, Dieu ne l'aime pas. Dieu ne l'aime pas et Jésus ne se fait pas connaître à lui. Donc, ils feront partie de ceux à qui Jésus dira « Je ne vous ai jamais connu ». Si nous ne gardons pas les commandements de Dieu et les commandements de Jésus, nous ne serons pas sauvés et notre foi ne nous aura servi de rien. Jean 15:10 Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous voyez, Jésus fonctionne de la même manière avec son Père qu'il nous demande de fonctionner avec lui. 2 Pierre 2, 20-22 En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été adressé. Encore le mot « commandement » qui revient ici. De quel commandement s'agit-il ici? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Salut à condition d'obéissance. Hébreux 5, 8-9 Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Si le Christ a appris l'obéissance, nous devons l'apprendre aussi, sinon nous ne sommes pas de ses disciples. Et c'est par notre obéissance au Fils que nous obtenons le salut éternel. Et ce n'est pas seulement par la foi comme on nous l'a enseigné, comme on l'enseigne même dans la plupart des écoles bibliques. Car le salut ne se sépare jamais de ses œuvres. Le salut s'obtient par la foi, d'accord, mais la foi, c'est l'engagement à accomplir les œuvres de la foi. La foi est inséparable de ses œuvres. Romains 6, 16, « Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Vous voyez, l'obéissance qui conduit à la justice. Selon Luther, la justification, c'est Dieu qui nous a collé une étiquette au front, et c'est tout, qui ne change rien à notre vie. La vraie justification biblique s'obtient par l'obéissance à ce qui est juste. Nous sommes justifiés pour obéir à ce qui est juste. Voilà la vraie justification. Romains 16, 17, 19. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Si vous entendez quelqu'un enseigner que l'obéissance n'est pas nécessaire au salut, éloignez-vous d'eux, ce sont de faux docteurs. Ne vous laissez pas mordre par ces vipères, ne vous laissez pas mordre par leur enseignement envenimé. 2 Thessaloniciens 3, 14. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui. Romains 15, 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite pour moi pour amener les païens à l'obéissance. Nous voyons que l'obéissance à l'Évangile fait partie de l'Évangile. Romains 1, 5. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Alors, si l'obéissance ne fait pas partie de votre évangile, vous ne prêchez pas le véritable évangile de Jésus-Christ. Il y a encore beaucoup d'autres passages qui stipulent clairement que l'obéissance est nécessaire au salut. Si je voulais faire une étude exhaustive, je n'en finirais pas. Alors, je viens de vous donner 15 passages là, qui le prouvent. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, je ne crois pas que vous le serez. Quand même, je vous en donnerai un 16e. C'est Martin Luther qui a enlevé la nécessité de l'obéissance. Il a adouci la doctrine évangélique pour plaire aux oreilles des hommes. Le salut inconditionnel est une doctrine totalement inventée et contraire à la Bible. Le salut inconditionnel n'est qu'une doctrine de versets tordus qui nous provient de la Réforme, que j'appelle souvent la Déforme. Le salut est également conditionnel aux bonnes œuvres. Le sujet des œuvres est un sujet le plus mal compris qui existe dans la Bible. Il y a toutes sortes de théories. Il y en a qui croient que Dieu ne demande aucune œuvre, ou on croit que oui, Dieu demande des œuvres, mais elles ne sont pas obligatoires. C'est juste que si on en fait, on va avoir des récompenses, et si on n'en fait pas, eh bien on n'en aura pas. Il y en a d'autres qui pensent qu'on est sauvé par la foi seule, d'autres qui croient être sauvés par les œuvres seules. Toutes ces personnes sont dans l'erreur et se trompent. Le Nouveau Testament enseigne que l'entrée dans le salut est une grâce qui ne demande aucune œuvre. Une personne peut être sauvée immédiatement après avoir entendu l'Évangile sans qu'elle n'ait eu à faire la moindre œuvre, sinon celle de confesser le Seigneur comme sauveur. Mais le salut ne s'arrête pas là, mes frères. Ça, ce n'est que l'entrée du salut. C'est la porte étroite. Ensuite vient le chemin étroit durant lequel le Seigneur nous demandera toutes sortes de choses et sur lesquelles nous serons jugés après notre mort. Et si nous avons été des serviteurs fidèles et obéissants dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous, nous entrerons dans le royaume de Dieu et nous serons enfin sauvés pour l'éternité. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres de la loi de Moïse, entre parenthèses, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyez-vous, il y a la porte et il y a le chemin. Paul ne parle pas de récompense ici quand il parle de bonnes œuvres. Il parle de responsabilité. Les œuvres doivent suivre le salut par grâce. Luc 3:9. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste ne dit pas « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits n'aura pas de récompense, mais sera jeté au feu. » C'est carrément une question de salut ici, on ne passe pas à côté. Jean 15:2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Jésus ne dit pas « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits n'aura pas de récompense, mais qu'il sera retranché. » Clairement une question de salut ici encore. Prenons la parabole du serviteur infidèle, Matthieu 24, 45, 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Le type a bien commencé. Que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il s'agit d'une personne appelée à remplir un ministère dans l'Église. Alors forcément un chrétien. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, il est possible qu'un type vieillisse mal et qu'il dise en lui-même « Mon maître tarde à venir » et il se met à battre ses compagnons. Le péché contre l'amour fraternel ici. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourtant, le type au début était un serviteur fidèle et prudent. Ce sont des paroles extrêmement fortes. Les péchés contre l'amour fraternel sont les péchés qui entraînent les plus sévères châtiments. Et ça peut même aller jusqu'à la perte du salut, comme on le voit ici. Quand le Seigneur dit qu'il va mettre quelques pasteurs en pièces, je ne crois pas qu'ils seront sauvés. Dites-moi après ça que le salut ne se perd pas. Alors, pasteurs, attention, si vous humiliez et maltraitez les gens que Dieu a placés sous votre garde, le maître risque de vous mettre en pièces. Tout de suite après cette parabole, il y a la parabole des 10 vierges. Nous demeurons encore dans le contexte des œuvres. Il ne s'agit pas de 5 vierges et de 5 prostituées, mais de 10 vierges, donc de 10 chrétiens. La lampe, c'est la foi. L'huile, ce sont les œuvres. Comme la lampe sans huile est morte, la foi sans les œuvres est morte. Tout de suite après la parabole des vierges, il y a ensuite la parabole des talents. Toujours dans le contexte des œuvres, il est dit que le maître appela ses serviteurs. Alors il s'agit bien d'enfants de Dieu. Celui qui n'avait reçu qu'un talent dit « Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, ôtez-lui donc le talent. » À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Une autre traduction rendue, on ôtera même ce qu'il croyait avoir, c'est-à-dire le salut. Et le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dites-moi après ça que les œuvres ne sont pas nécessaires au salut. Dites-moi après ça que les œuvres ne sont que pour les récompenses. Tout de suite après cette parabole, il y a celle des brebis et des boucs. On reste toujours dans le contexte des œuvres. Brebis et boucs. Il ne s'agit pas de brebis et de loups, mais de brebis et de boucs. Ce sont des animaux de la même famille, mais qui ne sont pas de la même espèce. Le mâle de la brebis, c'est le bélier, et la femelle du bouc, c'est la chèvre. Ce sont deux animaux qui se ressemblent. Ils vont à la même église le dimanche. Nous voyons que les brebis et les boucs avaient la même foi. Et qu'est-ce qui les différencie finalement? Ce sont leurs œuvres. Les brebis avaient fait des œuvres charitables et les boucs n'avaient rien fait. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Dites-moi après ça que les œuvres ne servent qu'aux récompenses et qu'elles ne sont pas nécessaires au salut. En conclusion, je résume. Le salut est conditionnel à l'abandon du péché et à la sanctification. Le salut est conditionnel à notre obéissance au commandement du Seigneur. Le salut est conditionnel à notre persévérance dans la foi. Le salut est conditionnel au pardon fraternel. Le salut est conditionnel aux œuvres que Dieu nous demande. Et il est surtout conditionnel à notre charité fraternelle. Amen.